Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Fréquence Paris Pluriel 106.3, merci de nous écouter. C'est la Jungle des Luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est en direct pour une heure et demie ensemble et retransmis le jeudi matin pour les matinaux. Donc aujourd'hui, on va parler de lutte comme toujours. On est avec Nikki, Laure et Valérie. Donc, que des filles, mais on a Greg à la technique, comme toujours. On le salue d'ores et déjà. Et donc, on parle avec Nikki, peut-être si tu veux te présenter brièvement. Bonjour, je m'appelle Nikki Velsaropoulou. Je viens de la Grèce. Je suis en train de faire un documentaire sur les mines d'or en Grèce du Nord. Et voilà. Et donc, on parlera justement des luttes contre les mines d'or avec Nikki. Et Laure, si tu veux te présenter. Oui, bonjour, Laure Glemin, je suis militante à FASPA, CSIA, sortir du colonialisme. Et je vais parler aussi de différentes luttes, différentes actions que nous avons entreprises. Et j'ai une invitée qui est Valérie Ganem et qui va nous parler plus spécifiquement de la lutte LKP qu'elle a très très bien suivie. Et elle vient de sortir également un livre qui est La désobéissance à l'autorité, dont on parlera également. Donc voilà, ben merci voilà. Les filles. On va comme toujours commencer par un petit morceau de musique. Pour ceux qui voudraient avoir des infos sur le CSPCL ou pouvoir réécouter cette émission, sachant que vous ne pourrez peut-être pas rester jusqu'au bout. Pardon. Vous avez la possibilité donc de l'écouter en vous connectant sur cspcl.ouvaton.org, qui est le site du comité sur lequel vous avez des informations sur le Mexique ou d'autres. Et puis donc il y a des petits onglets là et vous pourrez voir émissions de radio et cliquer dessus et retrouver toutes nos émissions de radio. Et donc celle-ci d'ici peu, le temps qu'on fasse la manip et que ce soit installé. Donc voilà, place à la musique et puis on entre dans le vif du sujet tout de suite après avec Nikki et la lutte contre les mines d'or. Έχω μιλήσει γι' αυτό, έχω δακρύσει γι' αυτό, έχω φωνάξει γι' αυτό, μ' έχουν χτυπήσει γι' αυτό, έχω τη λύση γι' αυτό και έχω αργήσει σ' αυτό. Έχουν εισβάλει στη ζωή μου και στον τρόπο που ζω. Χωραφιά με κιάνιο, με κιάνιο και αρσενικό. Αυτό είναι το κέρδος, αυτό είναι το κέρδος από το χρυσό. Χωραφιά με κιάνιο, με κιάνιο και αρσενικό. Αυτό είναι το κέρδος, αυτό είναι το κέρδος από το χρυσό. Ενάντια στις φύσεις η λαϊλασία, αγώνα για την γη και την ελευθερία, αγώνα για την γη και την ελευθερία. Ενάντια στις φύσεις η λαϊλασία. Έχω μια λύση σ' αυτό και έχω αργήσει σ' αυτό. Πόλεμο στο πόλεμο των εταιριών. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, το όπλο των λαών. Για να οικονομήσουνε τα αφεντικά, θα μην εγκυριαστούνε αέρα και νερά. Αέρα και νερά. Ο ρυσός μας φέρνει πιο κοντά στην καταστροφή από τα τοξικά. Αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά στην στροφή από τα τοξικά. Θέλουμε τα βασί, τη γη και το πυρό. Και όχι ένα τάφο στην Ιερισσό. Έχω τη λύση γι' αυτό. Tora, Ferrecance, Paris Pluriel, Jungle des Luttes, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais donc on se réunit, le Comité de solidarité, tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles. Donc, c'est une assemblée ouverte à laquelle vous êtes invités pour venir éventuellement témoigner de lutte, pour qu'on puisse créer des ponts, des liens, et puis éventuellement avoir de l'information sur le Mexique. Aujourd'hui, on parlera. Pas beaucoup du Mexique, mais on en a pas mal parlé, ou peut-être qu'on pourra illustrer avec des exemples. Mais donc là, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission, on va surtout commencer à parler de la Grèce et puis finalement de ces grandes entreprises qui ont énormément d'intérêt à exploiter les richesses nationales et de détruire l'environnement et le tissu social, comme on dit. Et puis, finalement, pourrir la vie des gens, grosso modo. Donc, Niki, peut-être que c'est toi qui as choisi la musique. On t'avait demandé de rapporter des morceaux de musique. Si tu peux nous présenter le groupe. Oui, bien sûr. C'est un groupe qui s'appelle Kakavos Band. Kakavos, c'est la montagne où Eldorado Gold Corporation, la canadienne, l'entreprise canadienne, elle est venue pour exploiter l'or. Et va créer là-bas une mine à ciel ouvert. Alors, le groupe vient de cette région et fait des morceaux militants contre les mines d'or. Donc voilà, du coup, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pourrez suivre ce groupe et avoir des infos, si c'est pour ceux qui comprennent le grec, hein, d'avoir un petit peu d'informations sur comment on chante et comment on lutte en Grèce contre cette mine d'or. Donc si tu veux, Niki, tu peux peut-être nous présenter justement ce qui se passe. Ça fait plus d'un an qu'il y a une lutte, mais bon, évidemment, l'histoire, elle est bien plus longue. Mais il y a au moins déjà une mobilisation importante depuis un an dans la région du nord de la Grèce. Oui, évidemment, les mouvements... date depuis plusieurs années, mais c'est les derniers un an et demi que vraiment les habitants ils ont mobilisé tous ensemble contre la compagnie de mines d'or et contre le gouvernement, évidemment, qui a donné le permis à cette entreprise venir exploiter l'or et créer de plein de problèmes et plein de catastrophes dans la région. Et on parle d'une forêt protégée. Et on parle de le pays d'Aristote, parce qu'Aristote venait d'un petit village à côté de cette montagne. Et on parle d'un endroit vraiment très beau, et très belle et très sauvage. Et il y a des rivières, il y a la mer, il y a les gens là-bas, ils ont un agriculteur. Ils ont plein d'entreprises qui s'occupent des touristes et ils ont peur qu'ils vont perdre tout. Et et que leur vie va être détruite avec leur santé. Et alors, c'est la déprise canadienne Dorado Gold Corporation et la déprise australienne Glory Resources Limited qui sont venues en Grèce du Nord et elle envisage de rendre la Grèce le premier pays en exploitation d'or en Europe jusqu'à 2016. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les gens, dans la région, il y avait déjà des mines. Mais, juste pour vous donner un exemple, jusqu'à aujourd'hui, dès l'Antiquité, il y avait 33 millions de tonnes d'or qui ont été extraites de la région. Mais maintenant, la compagnie parle que dans les prochaines 25 années, un total de 380 millions de tonnes sont extraites des mines à ciel ouvert et des mines souterraines. Ça veut dire qu'ils vont vraiment détruire toute la montagne, toute. Et c'est ça que les habitants ils ont compris qu'il ne faut pas qu'ils laissent, qu'ils les fassent. Parce que sinon, une région très grande va être détruite. Et une région qui est juste 1h30 de Thessalonique, la deuxième ville en Grèce. Mais bon, en général, on dit que les derniers temps, que c'est les mines d'or en Chalkidiki. On parle des mines d'or de Chalkidiki, mais en général, il y a aussi deux autres régions, à Thrace et à Kilkis, qui vont être touchées. Il y a encore d'autres mines qui vont être installées. Et il y a un mouvement des habitants des trois régions qu'elle a commencé, le dernier un an et demi. Et eux, avec des procédures juridiques, avec des manifestations chaque jour, dans la montagne, dans les villes, dans les villages, partout, et ils essayent d'empêcher cette catastrophe. Mon point de vue sur le sujet, c'est parce que déjà, on parle d'une région qui n'était pas tout à fait... elle était un peu, on pourrait dire, relativement conservatrice. Et ça fait cette lutte, cette situation qui a conduisait tous les habitants en lutte, a transformé la structure de cette société. Et les gens, ils ont commencé à manifester. Des gens, des enfants, des grands-mères, des gens qui n'ont jamais manifesté dans leur vie, qui n'ont jamais vraiment été en lutte pour peu de raisons peut-être, mais ils n'ont pas vraiment été solidaires toujours avec d'autres luttes. Maintenant, ils sont solidaires avec toutes les luttes, parce qu'en Grèce, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de difficultés. Et les gens, ils ont appris à être, à travers cette situation, à être solidaires l'un avec l'autre. Et du coup, mon point de vue, ça va être cette mutation politique d'une population, au départ relativement conservatrice, et particulièrement, je vais essayer de voir... Dans ton documentaire, en fait. Oui, dans mon documentaire. Voilà, parce que comme on ne l'avait pas répété, pardon. Au cas où les gens n'avaient pas tout à fait suivi, c'était le point de vue de ton documentaire, que tu t'es tout à proposé fait. De, tout à fait, de parce mettre que en avant. Moi, je parle de la lutte et j'oublie pas. Je dois rappeler que c'est un documentaire qu'on prépare. Et du coup, c'est à travers les regards des enfants que je vais essayer de voir toute cette transformation de la société à travers leur... vit dans la famille, avec les amis, à l'école, avec leurs activités quotidiennes. Je veux voir comment cette lutte a influencé la structure de la famille. Par exemple, il y avait plein d'enfants qui, jusqu'à maintenant, ne sortaient pas vraiment dehors des activités de la famille. Et maintenant, Et tout a changé, tout a changé. C'est, ça veut dire que bah, tu attends des hommes à dire que oui, bah, bien sûr que ce n'est pas ma femme qui va cuisiner parce qu'elle bah, a des choses plus importantes à faire. Elle va aller à la montagne pour manifester. Elle va écrire des articles, elle va parler à la radio, elle va informer les gens qui n'ont pas encore, connaissent pas encore la situation. Et c'est pour ça, pourquoi, qu'il y a plusieurs régions en Grèce qui supportent cette lutte et qu'il y a plusieurs municipalités qui sont contre cet investissement, si on peut l'appeler investissement, investissement entre guillemets, parce que quand même, elle va détruire toutes les autres activités professionnelles de la région. Et les habitants, les derniers mois, ils ont subi beaucoup de répressions et de violences par la police. Il y avait même des attaques de la police à des villages. Ils ont jeté des lacrymogènes dans des écoles. Et il avait pas mal de fois qu'il y avait des enfants qui étaient enlevés sans l'accord de ses parents et par la police. Et il était conduit à Thessalonique, au commissariat de Thessalonique, qui est 1h30 loin, pour être interrogé sans le. Leurs parents, sans la présence d'un avocat. Et il y avait des arrestations aussi, des civils, sans la police prévue, sans aucune. Sans aucun acte verbal. Ils t'arrêtent oui. Sans aucune preuve, sans aucune. Oui, oui. Ils enlevaient les enfants, quand tu dis ils enlevaient les enfants, ils prenaient les enfants pour les interroger, pour leur soutirer des informations. Pour, oui. Oui. Bah, des adolescents subissent des interrogatoires et des prélèvements d'ADN les derniers mois. Et c'est pourquoi, et ce n'est pas seulement les adolescents, c'est les âges de 15 ans jusqu'à 75 ans. Et la police, voilà, il arrête n'importe qui et et c'est pour ça que les habitants, les derniers temps, ils ont, ça fait 3 mois plus précisément, qu'ils ont fermé, et ils protègent leur village et ils ont fermé les deux entrées. Il y a toujours un groupe de 15 personnes qui protègent l'entrée des villages de la police. Comme ça, la police, elle ne peut pas venir et attaquer aux villageois sans raison et faire des arrestations comme elle a déjà fait en pleine nuit dans leur maison, en cassant la porte de leur maison et devant les enfants. Et voilà, il y a maintenant des hommes qui sont en prison et ça, ils n'ont pas encore préjugé. Ils n'ont pas encore été jugés. Ils n'étaient pas encore. Proche. Oui. Était jugé, mais ils sont en prison et il y a encore 18 personnes qui l'attendent de jour à jour d'être arrêtées. Parce qu'il était dans des manifestations, parce qu'il lutte pour protéger leur terrain. Et je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, peut-être. Parce que justement, tu nous racontais, quand on a un peu préparé l'émission, que justement. Ils avaient trouvé un bonnet sur cette montagne qui est donc, et qu'ils avaient effectivement retrouvé un cheveu dans ce bonnet et que cette personne avait été voilà, ça c'est la preuve arrêtée en pleine nuit. Oui, ça c'était la preuve entre guillemets qu'il était coupable et voilà, il était arrêté, il est en prison. En sachant qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, il était peut-être allé seulement se promener et perdu son bonnet. Bon, sûrement pas, mais en tous les cas, il n'y a pas de preuve d'autre que c'est la présence sur la montagne. Comme chaque jour, il y a des manifestations à la montagne parce que l'entreprise, sans avoir encore les permis, Et ils ont commencé à détruire la montagne, à couper tous les arbres. Et ils ont mis des interdictions partout. Tu ne peux pas rentrer à la montagne. Et même pour faire un pique-nique, tu n'as pas le droit. Et la police garde ces montagnes, vraiment, garde l'entreprise, protège l'entreprise. Elle est violente, très violente contre les habitants. Et là, depuis les 3 mois où il y a eu justement une présence forte des habitants pour protéger l'entrée dans leur village, a priori, ils ne sont pas rentrés de nouveau depuis les 3 mois. Non, mais ils ont resté à la montagne et à chaque fois qu'il y a des gens qui sortent, parce que dans ce village, il y a toutes les assemblées générales de tous les villages de la région, parce qu'il faut dire que dans la région, il y a beaucoup de villages. Et la plupart du monde est contre les mines d'or, sauf quelques gens qui travaillent déjà aux mines d'or, qui font rien encore. Ils ont vraiment... C'est des salariés, mais qui n'ont pas de travail puisqu'il n'y a pas d'activité dans la mine. Voilà, parce que la déprise, elle essaie d'avoir un salarié de chaque famille. Comme ça, elle peut diviser la société. Et on peut dire qu'il y a des villages où ils ont vraiment séparé les gens. Il y a des bagarres dans la rue, des pères qui bagarrent avec son fils. Parce que l'un de deux, il est contre, l'autre, il travaille à l'entreprise, pour l'entreprise. Et c'est une situation très difficile. Il y a des villages qui sont, tous les villages contre les mines d'or, il y a d'autres villages qui sont divisés. Et ça, c'est vraiment, ils ont créé vraiment une division à la société. Et c'est très difficile vraiment pour les enfants. C'est pour ça que je veux plutôt voir qu'est-ce que les enfants pensent, qu'est-ce que les enfants ont à dire et l'impact. Parce que c'est sûr que dans l'école, il y a des enfants qui ont des parents qui travaillent dans les mines et des enfants qui, leurs parents, ils luttent contre les mines. C'est très difficile. Je parlais avec un professeur qui enseigne là-bas. Il m'a dit qu'il essaie de garder un équilibre parce qu'il essaie de ne pas aborder vraiment les sujets dans l'école parce qu'ils ont peur de... Qu'il y ait des conflits aussi entre les enfants et que ça déséquilibre. Voilà. Oui. On va continuer. On va faire une petite pause musicale. On va reprendre ça tout de suite en... Petite pause, toujours avec une sélection de Nicky, je crois bien. C'est ça. Η μαύρη τρύπα μες στο πνεύμα να της γης που έγινε λίμνη φαντασμάτων που τρομάζουν γι' αυτό το μέταλλο που έψαχνες να βρεις δε θα σε σώσει τσάπα τα λόγια που σου τάζουν. Ακόμα υγρός έρθει από ταξίδι. Μα η πηγή μου έχει στερέψει από καιρό. Κοίταζα αλλού γιατί το νόμιζα παιχνίδι. 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On est avec Nikki, Laure et Valérie. Jusque-là, vous avez entendu Nikki qui était en train d'exposer une des luttes qui est en train de se donner en Grèce. Donc là, c'est une lutte qui est menée par plusieurs villages dans le nord de la Grèce contre une mine d'or. Et donc, qui essaye d'empêcher l'exploitation de cette mine. Et donc, du coup, avec justement la particularité de cette région, qui était une région plutôt classe moyenne, avec des gens qui étaient dans une position relativement confortable, qui s'étaient rarement mobilisés, alors qu'il y avait la lutte dans d'autres endroits et jamais solidaire. On avait même dit l'autre fois qu'ils avaient même été capables de justement héberger des policiers et aujourd'hui se retrouvent à affronter la police et à se battre. Et donc justement avec tous ces changements, et donc on discutait de ça là, du fait que justement, comme dans la réalité qu'on peut connaître en France ou dans tous les autres pays, il y a des gens qui ont une conscience politique qui d'office effectivement sont mobilisés, puis d'autres qui effectivement jusqu'à ce que ça arrive chez eux réalisent pas qu'en réalité... il faut pouvoir lutter et être solidaire, parce que tout ça, ça fait partie d'un même système. Et tant que ça ne t'arrive pas à toi, il faut peut-être quand même savoir que ça compte de se mobiliser. Et donc, du coup, c'était aussi intéressant pour toi, donc Nikki, de justement essayer de voir comment on pouvait basculer et comment ça pouvait justement changer la réalité des gens, les structures familiales, sociales, etc. Donc, du coup, je te redonne la parole, Nikki, et puis... Laure et Valérie, surtout, intervenez si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Vous êtes invitées aussi. À toi, Nikki. Oui, tout à fait. Il y avait des villages qui avaient, dans le passé, hébergé la police. Parce que dans la région, il n'y avait pas assez de policiers pour, contre des manifestations. Voilà. Et du coup, ce qu'il fait l'État, c'est qu'il ramène d'Athènes ou de Thessalonique la police, des forces de police, où ils ont hébergé et c'est les civils qui finalement payent l'hôtel avec les taxes et la nourriture des policiers qui les frappent finalement. Et les gens, je pense qu'ils ont compris que être solidaire, c'est la seule voie. Parce que sinon, à ce moment en Grèce, comme il y a plusieurs luttes, être solidaire, c'est très important. Comme ça, toutes les luttes se réunissent. Et il y a vraiment des manifestations dans toute la Grèce pour un seul sujet ou des trois sujets qui se réunissent le même jour. Voilà. Et je voulais dire aussi que... Parce que, bon, finalement, c'est normal qu'on peut poser la question. C'est la crise. La Grèce est dans une situation difficile. Et s'il y a de l'or, ça pourrait être intéressant comme idée, un investissement. Voilà. Mais on doit dire que la loi minière grecque était dirigée pendant la dictature des colonels. Et ça veut dire qu'aucun bénéfice lié à l'extraction minière, à la production ou à la vente des métaux ne revient à l'État. Ceci obtiendra des retombées économiques à travers les impôts prélevés sur les salaires des travailleurs, les TVA et les cotisations sociales. Et ça, c'est quelque chose de tragique, je pourrais dire. Et aussi que toute cette histoire d'Eldorado qui est venue en Grèce, etc., les gouvernements grecs, finalement, ont vendu les mines du monde Stratonikos dans la région de Chalkidiki pour 11 millions d'euros, alors que la rentabilité estimée était de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros. Alors vous comprenez que c'est vraiment pas un plan de développement, mais c'est un plan de destruction. Et c'est vraiment la, à cet instant, le pays est en proie au pillage le plus important de son histoire. Alors, quelque chose d'autre que je pourrais dire, c'est juste que les médias, là, vous savez tous que la télé publique en Grèce, elle n'existe plus. Oui, ça, c'est une information qui a réussi à circuler. Le reste, on ne le savait pas, mais ça, on a réussi à le savoir. Oui. Il y a quelques jours alors que, voilà, la Troïka, elle est venue. Elle a demandé 2000 des virements, licenciements, oui, des fonctionnaires. Et Karamanlis, il a décidé que oui, peut-être, pourquoi pas, on ferme la télé publique. C'est 3000. Comme ça, la Troïka, elle est contente. Et c'était d'ailleurs ça qui s'est passé avec... Tu peux peut-être expliquer ce que c'est la Troïka? Oui, bon, la Troïka, c'est les banques, les agences, les fortes de l'Europe, et pas seulement, qui imposent aux pays pauvres des mesures d'austérité, parce qu'ils trouvent qu'ils ont une dette vers eux, et ces pays doivent mourir de faim pour payer cette dette qu'on ne sait pas d'où ça vient, de toute façon. Et c'était aussi, il faut dire aussi qu'avant cette histoire des crises, de la crise, le gouvernement et le Conseil d'État étaient contre de l'exploitation d'or à Chalkidiki. Et était contre. Et quelques jours après la visite, non, même pas quelques jours, le lendemain de la visite de Merkel à Athènes, tout était permis. Et la déprise canadienne Eldorado Gold, elle avait finalement le permis de... D'exploiter. De commencer les travaux pour l'exploitation. C'était tout fait par Fast Track. Les Fast Track, c'est quelque chose de nouveau, apparemment. Et c'est une procédure accélérée pour qu'on fasse des. Si on veut faire un investissement, avec les fast track, d'un jour à l'autre, on peut les faire sans avoir des tardements. Avez-vous des questions peut-être à me poser? En fait, j'aurais bien voulu qu'on parle justement de cette fameuse télé qu'avait, puisqu'on justement il y avait la télé, il y avait plus de télé, mais du coup justement toute cette histoire là de cette télé quand même assez étrange. Qui diffuse des spots et qui en même temps aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus publique, diffuse beaucoup d'informations finalement, ce qui n'était pas le cas avant. Si tu veux... La télé publique avant, elle était plutôt du côté des gouvernements. Alors, on avait des manifestations invisibles, parce que bon, il y avait des grandes manifestations dans les rues, mais à la télé, il n'existait pas. Alors, en rigolant en grec, c'était encore une manifestation invisible parce qu'elle ne passait pas à la télé et pas, les médias les cachaient. Et maintenant, en Grèce, comme la télé publique elle est interdite, on pourrait dire, on a la meilleure télé grecque qu'on n'avait jamais. Parce que la télé grecque publique, à ce moment, elle passe sur Internet, elle passe à travers de la télé privée, à la radio privée, militant, bien sûr. Il y a toujours des débats, il y a toujours les luttes. On a de plus en plus des émissions comme l'émission d'aujourd'hui. Où les gens peuvent s'exprimer sur les luttes et du coup justement la lutte contre la mine d'or, on en parle aujourd'hui dans tous les médias et dans On est vraiment fiers de cette télé grecque publique. On est très contents parce que c'est la meilleure télé grecque qu'on avait jamais. Et elle soutient tous les mouvements, elle soutient les gens et tous les gens soutiennent elle. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment super parce qu'il y a des grèves générales dans toute la Grèce pour protéger la télé publique, pour et éviter que l'État fait encore des licenciements. Et même le conseil de l'État elle a trouvé qu'il faut que la télé grecque s'ouvre tout de suite. Elle a pris cette décision, le conseil d'État. Mais Kanamalis, non, il insiste, il ne veut pas. Il y a même notre gouvernement. Elle appartient de trois partis politiques différents. Et à cause de cette histoire de la télé publique que voilà, Samaras il a fermé, et une des trois partis, il est parti. Il n'est pas d'accord. Alors, il nous reste deux. C'est la droite avec M. Kanamalis et la faux gauche, comme j'aime bien dire, les faux socialistes. Les PASOK qui restent et on pense qu'ils ne vont pas pouvoir rester plus. On lui donne quelques mois d'existence encore. Et il y avait aussi quelque chose d'assez surprenant quand on préparait l'émission que tu nous racontais, c'était justement le fait que sur cette télé publique, il y avait un certain nombre de spots et que du coup, si tu peux nous parler un petit peu de cette mutation avant que ça ait été fermé, il y avait quand même pour donner une idée un peu de où se trouve la Grèce, parce qu'on en parle, on n'en parle plus trop effectivement, puisque maintenant, on a bien acquis que l'État était en faillite et que les Grecs allaient devoir se démerder comme ils pouvaient. Et on voit bien qu'ils ont manifesté énormément. De temps en temps, on entend qu'il y a des manifestations de nouveau, mais du coup. Là, c'était assez étonnant quand tu nous disais qu'il y avait des petits spots maintenant où on disait « Soyez solidaires entre vous ». C'est-à-dire que le seul message que l'État pouvait donner aux gens, c'était « serrez-vous les coudes, démerdez-vous, on n'est plus là, quoi. On ne peut plus rien pour vous ». Bien sûr. Maintenant, on n'a plus à la télé des spots de voitures ou des produits chers, tout ça. Non, il n'y a personne qui pouvait les acheter de toute façon. Et il n'y a pas, on n'est plus de consommateurs. Donc, on peut pas. Plus de publicité. Il n'y a plus de publicité. Il y a même avant la fermeture de la télé publique, les gouvernements passaient des spots plutôt « soyez solidaires l'un avec l'autre ». Ou par exemple, à la radio, ils passent toujours des séminaires, des spots, des séminaires « comment faire une coopérative ». Oui, et les gens, même si le gouvernement grec, parce que quand j'ai vu ça, j'étais étonnée. Et je me suis demandé, mais pourquoi le gouvernement, qu'est-ce que l'adhéré qui est là, qu'elle nous dise d'être solidaire. Oui, puis de s'organiser, d'être autogéré. Oui. Ouais, c'est à double tranchant, ce temps. Oui, et après, je pensais que mais c'est sûr qu'elle n'a rien à nous donner. Alors, pour qu'on ne meure pas, on est obligé d'être solidaire. Et comme je dis, pour ne meure pas, ce n'est pas une blague. Hein. Chaque jour, on a plusieurs suicides. On attend toujours un voisin qui l'a attendu de se suicider, ou il a réussi ou pas. Et je pense que les suicides en Grèce à ce moment sont en train d'augmenter. Ils ont un level le plus élevé, je sais pas, en Europe. C'est tragique. C'est tragique. On meurt. C'est comme une guerre. On subit une guerre. C'est vraiment. Et on essaye de survivre. On essaye de survivre. Et apprendre. Réapprendre d'être solidaire, réapprendre de ne pas être consommateur. Parce que on a passé 20-30 ans Après la dictature. où il y a eu une ouverture. Voilà, c'était l'Amérique. C'était les rêves américains. On devait avoir tous une voiture, un appartement et tout. Les banques donnaient de l'argent partout à tout le monde. Mais voilà, on a perdu ça qui était vraiment important. Bon, en même temps, voilà, si jamais les gens réussissent à s'en sortir, il y aura plein d'expériences très fortes et très riches et qui peuvent peut-être du coup donner... si on est optimiste, on peut aussi penser que c'est des super belles expériences malgré la dureté au quotidien. Mais tu racontais qu'il y avait beaucoup de coopératives, des entreprises qui étaient reprises par les ouvriers. Donc une démarche... nous, là, tous autour de la table, on aimerait voir se développer ici, peut-être avant qu'il y ait une crise fatale. Ce serait bien d'essayer d'y penser en amont. c'est ce qu'on a envie de voir aussi. C'est déjà très important d'informer, que tu viennes ici en France nous expliquer tout ça, que les échanges passent parce qu'il y a peut-être des luttes communes à mener. Et il y a le fait surtout qu'on doit être solidaire aussi d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que nous, on aura tendance à nous montrer la Grèce du doigt comme le mauvais élève qui n'a pas su gérer, je ne sais pas quoi. Donc alors, ce serait un peu facile pour les autres pays ou les pays plus à l'aise de juste montrer la Grèce comme mauvais élève, alors qu'en plus, on sait que ça va nous arriver dans très peu de temps. Enfin, en plus, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Donc... de commencer déjà à préparer une solidarité plus internationale, et en tout cas de créer un réseau d'information qui fait qu'on est au courant vraiment de ce qui se passe chez vous et réciproquement, c'est très très important. On va faire une petite pause musicale et puis on va reprendre toute cette discussion après une petite musique, toujours avec nous. Υπάρχει μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου. Θα γίνει δέντρο και θα παίζουν από κάτω τα παιδιά. Θα είναι χαρτί που στροβιλίζει ο αέρας μακριά. .3 fréquence Paris pluriel. Jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Pour ceux qui voudraient nous réécouter, vous taperez, vous irez sur le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org, et puis là, il y a un petit lien pour la radio. Et donc, pour ceux qui également voudraient, puisque pour ceux qui nous ont suivis, on parlait de la Grèce et de notamment une lutte qui est en train d'être menée par les habitants de plusieurs villages dans le nord de la Grèce. Ils luttent donc contre une mine d'or, en l'occurrence. Et donc, il y a une radio indépendante, et donc avec un site qui est www.indiegogo.com, donc www.indiegogo.com. Vous avez également la possibilité de signer une pétition. Donc là, vous faites www.avaa2.orgelenl/, c'est pas un L, avant c'est un slash, save-du-bas, the, en anglais, hein, ouais, tiret du bas, homeland, tiret du bas, of, tiret du bas, Aristote, le.2. C'est un petit peu lent, mais peut-être que du coup, on le mettra en ligne. Donc, cspcl.ovato.org, la radio, hop, vous trouvez notre programme et on donnera toutes ces indications. Et il y a un site avec également des revues, avec un site d'une revue avec des articles en français et en anglais. Et donc là, c'est SOS Al-Kidiki, donc SOS halkidiki.wordpress.com. Donc vous aurez de l'information et si vous voulez suivre de plus près, signer la pétition, vous mobiliser, etc. Et donc, de toute façon, on va pouvoir continuer à parler hein, de ce qui se passe en Grèce. Juste, c'était pour un petit peu remettre des infos avant qu'il ne soit trop tard. Et justement, on était en train de parler avant qu'il y ait la pause musicale avec Laure du fait que c'était important qu'il y ait de la solidarité. De la même façon qu'en Grèce, c'est important qu'il y ait de la solidarité. La solidarité, il faut qu'elle essaye d'être transnationale, internationale, européenne. Et puis, au-delà, ça me rappelle justement... des Mexicains, enfin des Latinos qui étaient à New York avec des menaces d'expropriation qui sont organisées, qui justement ont fait la démarche d'aller jusqu'au siège, parce que c'est bien ça le truc, c'est de retrouver jusqu'au siège, et qui justement avaient fait marcher la solidarité internationale pour aller jusqu'au siège de cette entreprise qui se retrouvait à Londres. Et donc, ils avaient fait tout le voyage. Et avant d'arriver à Londres, ils avaient justement fait marcher tous les réseaux de solidarité. Donc, je pense que c'est important de faire fonctionner ça. C'est important d'être solidaire. Et c'est important d'avoir une action internationale contre des multinationales, justement. Parce qu'elles sont déjà partout, hyper organisées. Et pour l'instant, les luttes sont un petit peu isolées, chacun dans son... Enfin non, il y a aussi des regroupements, mais par exemple, là, pour la Grèce, ça a l'air assez clair que toi, tu dis, c'est nouveau, les gens n'étaient même pas habitués à lutter, tu dis que c'était un peu même désorganisé, qu'ils ne savent pas trop toujours comment s'y prendre, etc. Et donc, alors que eux, en face, ces grandes multinationales, là, eux, ils sont parfaitement organisés, hein, s'ils ont... Comme tu dis, ils ont déjà tout déforesté alors qu'ils n'avaient pas le permis de faire la mine. Mais s'ils ont fait tout ce travail, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils l'auraient le permis. Enfin, je veux dire, c'est, tout est bien. Il y a la police qui les protège en plus. Donc, oui, voilà, avec la bénédiction. Bon, alors là, comme ça... Voilà, d'ailleurs, sur ces mines, je pensais... là, on parle d'une entreprise canadienne, mais on sait que la plupart des entreprises d'extraction de mines sont au Canada, non pas parce qu'elles sont canadiennes, mais parce que la fiscalité canadienne est particulièrement favorable à ce type d'entreprise. Et là, je pense, par exemple, c'est aussi intéressant d'interpeller les Canadiens. Nous étions, avec Sortir du colonialisme, j'étais au FSM, par exemple, à Tunis. Forum on a rencontré pas mal de... Oui. rencontre. Je le dis parce qu'on n'est pas toujours tous habitués avec les singles et tout. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, y avait quand même des Canadiens très dynamiques et très, très militants. Je pense qu'ils connaissent ce sujet parce que d'abord, ils ont leurs mines aussi. Ils ont des mines aussi au Canada, bien sûr. Ils doivent parfaitement le connaître, ce sujet. Et ce serait vraiment intéressant de pouvoir travailler. Les Canadiens, eux, du côté des sièges de ces multinationales, avec les Grecs, avec leurs problèmes sur place. Alors, j'en pense d'autant plus que là, on vient de faire une action, alors cette fois avec la FASPA. Et là, il faut que je dise le détail, enfin, c'est l'amitié avec les peuples d'Afrique, hein, essentiellement la FASPA. Et l'association REACT, qui est une jeune association de Grenoble qui travaille beaucoup sur l'Afrique. Et là, on a monté une action commune nous, les Parisiens, on était au siège de Bolloré au moment de l'Assemblée générale du groupe Bolloré, au même moment que dans 5 pays d'Afrique, des actions ont été menées aussi sur les plantations, les exploitations du groupe. Alors évidemment, ça a été fait à la demande des Africains qui, eux, sont victimes, hein, de la même façon, des achats de terres, des hectares et des hectares, et que ça s'agrandit tout le temps, de sorte que du coup, ils ne peuvent même plus se nourrir, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'espace vital nécessaire pour cultiver et pouvoir se nourrir. Donc, on sait jusqu'où ça va. Malheureusement, en Afrique, on sait jusqu'où ça va. C'est-à-dire que la Grèce aussi, ça peut être intéressant de voir un peu qu'il n'y a pas tellement de limites. Et c'est effectivement très important de se battre dès maintenant. Et avec ces mêmes processus de police qui couvre, qui est au service de ces sociétés, avec l'État qui dit rien, enfin qui est aussi d'ailleurs complice, etc. Donc voilà, donc cette action m'a semblé assez intéressante parce que déjà ils ont quand même été surpris, les actionnaires Bolloré, là, quand on est venu leur proposer nos petits tracts, on a annoncé nouvel ordre du jour. En plus, on avait fait une petite mise en scène, on s'était un peu sapé pour la moitié, on faisait semblant d'être actionnaire. Il y en a d'autres qui plantaient des légumes dans la pelouse devant le groupe. Bon, c'était pas mal parce que ça a fait son petit effet. Et donc, et les actionnaires découvrant évidemment ce qu'on distribuait nous, c'est ce qui se passait réellement en Afrique et quelles étaient les revendications des Africains. Alors, les 5 pays, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et RDC. Quand même. Et puis, il a des grands projets à Madagascar, etc. C'est un groupe qui n'est pas en crise, hein, le groupe Bolloré. Donc, voilà. Donc, c'était bien parce que les actionnaires, alors, évidemment, on cherche à les sensibiliser. Alors, ils nous ont beaucoup répondu. C'était assez terrible. Hein. Ils nous ont surtout dit, mais enfin, vous rendez pas compte, si on n'y était pas en Afrique, que deviendraient ces Africains ? C'est quand même là, nous on est leur dernière chance, etc. Mais ils parlaient vraiment comme ça, sincèrement. Ah, c'est hein. Ça, c'est qu'ils y croient, sérieusement. Ah ouais, ils y croient. Hein. On est vraiment sur la nostalgie des colonies. On est sur. Alors, quand à sortir de le colonialisme, on nous dit les colonies, c'est fini. Ça. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout fini. Hein. Et donc, alors là, c'était quand même étonnant. Bon, c'était un peu 80 ans de moyenne d'âge, mais. Parce qu'ils sont mandatés, enfin, ils doivent voter pour différentes personnes, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça va évoluer dans les mentalités, mais là, on avait quand même un panel assez impressionnant de paternalisme français pour l'Afrique, là, le vieux truc assez impressionnant. Voilà, alors là-dessus, Bolloré est sorti en personne quand même, donc il est venu nous voir, nous avons discuté. Alors il a démarré par « Ah, c'est moi le méchant, dites-moi ce que j'ai fait ». Et vous savez, moi, j'aime beaucoup l'Afrique. Alors, on disait, tant mieux. Tu as beaucoup d'intérêt, c'est normal. Voilà. Ce sont des communicants. Enfin, hein, c'est des spécialistes de la communication. Donc, évidemment, alors, il nous a proposé du coca, tout ça, parce qu'il a dit, vous devez avoir tellement chaud. Bon, bref. Enfin, c'était ridicule, mais bon, voilà, on a bien... Parce que vous avez pris le coca. Eh ben non. Alors quand les sujets ont commencé à être un peu sérieux, là, il était pas au courant, c'est ça, c'est bête. Soit c'était pas lui, parce que en fait, et c'est aussi une tactique hein, d'avoir que 10% des parts de 6, 5% là, 6% là, et puis après avec les entreprises fantômes et tout ça. Bon, finalement c'est eux, mais c'est pas eux quoi. Hein. On est souvent comme ça, et ça va être le même souci, j'imagine, en Grèce, un peu partout. Donc il y avait ça. Bon, nous, après, voilà, on a exigé qu'il y ait une rencontre transnationale et des négociations qui soient menées avec les représentants des différents pays d'Afrique à Paris et pour une discussion des problèmes communs, puisque les problèmes sont les mêmes dans ces cinq pays. C'est quand même c'est très clair. Donc on attend la réponse fin juin. On doit avoir la réponse officielle de... C'était la seule et unique revendication, et c'était ce que les riverains africains donc, nous avaient demandé de revendiquer, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, dans les autres pays, il y a eu aussi des manifestations, des actions. Bon. Je pense que c'est pas mal, parce que c'est ça... Ça, disons que déjà, ça encourage les uns et les autres. Hein. Il semblerait que quand même les Africains étaient très, très contents qu'il y ait ce relais un petit peu à Paris, parce que des fois, les luttes... Enfin, il peut y avoir une lassitude dans les luttes, etc. Et de savoir que ça bouge aussi dans les différents endroits, je pense que c'est très important aussi hein, pour maintenir les combats. Ensuite, je pense que je dis pas que ça a déstabilisé Bolloré, mais je pense qu'il a pas spécialement aimé être pris sur cinq fronts et qu'on a discuté avec ses gentils actionnaires, quoi. Voilà. Bah oui, de toute façon, ça les rassure pas de savoir qu'il y a des gens qui sont au fait de ce qui se passe, qui suivent de près toutes leurs actions et qui, du coup, même s'ils sont évidemment, je pense qu'on va très très difficilement les faire tomber. Ceci dit, il y a une pression qui s'exerce et qui, du coup, à force, peut à un moment créer une vraie pression. C'est-à-dire qu'évidemment, une première fois comme ça, peut-être pas, mais si de manière systématique, tu y vas, et si de manière systématique, en Afrique, ils savent que c'est suivi, que c'est organisé, que dans tous les pays, voilà, il y a un moment où tu peux réussir à gagner en force aussi, toi, de l'autre côté. Oui, il faut créer un rapport de force favorable, c'est important. Alors après, sur les médias, bon, bah, les médias ne se sont pas déchaînés, mais on a une autre petite article dans Le Monde, alors voilà, on est content. Enfin, chaque pierre est importante, quoi. Donc sur ces actions, alors je pensais aussi à d'autres choses. Hein. Là, par exemple, je vois les Navarro dans le territoire Navarro en Arizona, il y a un projet de mine d'uranium et là qui est relié à Areva avec notre belle entreprise, Areva. Notre merveilleuse, notre magnifique entreprise française, donc qui voudrait bien aussi aller gratter un petit peu de ce côté-là. Donc je pense que Survie, par exemple, a beaucoup travaillé sur Areva et sur les dégâts que peut faire cette entreprise en Afrique. Oui, comme au Niger avec justement les mines d'uranium. Voilà. On avait déjà reçu des Touaregs justement il y a quelques années ici. Ouais. Et qui justement nous avait parlé de ces 200 puits, 200 concessions faites à Areva pour justement exploiter de l'uranium sur leur territoire, puisque bon, bah, eux, ils sont nomades, mais ils ont quand même des espaces sur lesquels ils se déplacent. Et donc voilà, c'est des exemples où effectivement on a tout intérêt à mettre tout ça en lien. Exactement, voilà, on doit relier tout ça. Hein. Et les Navarro aussi, enfin. C'est extrêmement nuisible sur le territoire et en plus c'est extrêmement nuisible pour la santé. Ils ont une augmentation de cancer très important suite à ce genre d'installation. C'est extrêmement grave. Et je pense que voilà, il faut avoir des luttes, des actions transnationales. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on écoutera peut-être un petit peu Valérie qui avait qui a sûrement des choses à nous raconter aussi. On est bon, nous hein. Allez hop, musique, à tout de suite. 106.3 FPP, fréquence Paris Pluriel. Thank you. بنادم شغل قدام وانا شعليك التخمام شوف راسك على الشي برا شوف اللي ساقع ودوب للجال شوف العمى طريق وشو تطلب بقع فطوب من رخال يا بنادم شوف القدام وانا شعليك التخمام شوف راسك على الشغرة قعودوا بلا جال شوف العمى طريق وشو كطلب بقع فطوب من رخال يا بنادم شوف القدام وعلى شعرك التخمام يا بنادم شوف القدام وعلى شعرك التخمام يا شي برا شوف اللي ساقع ودوب للجال شوف العمى طريق وشو كطلب بقع فطوب من رخال يا بنادم شوف القدام وانا شعليك التخمام شوف راسك على شي برا شوف اللي ساقع ودوب للجال في العمى طريق وشو تطلب بقع فطوب من رخال يا بنادم شوف القدام وانا شعليك التخمام يا بنادم شوف القدام وانا شعليك التخمام يا مين اداني Point. 93.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte. On continue avec Niki, Laure et Valérie. On était sur les super projets de nos grandes multinationales type Areva ou Gold. Eldorado Gold Corporation. Eldorado Gold Corporation, justement, canadienne, mais peut-être pas tant que ça. Et donc voilà, il faut quand même un petit peu... essayer de mettre tout ça en lien et essayer d'être solidaire avec les Grecs à travers, justement, voir s'il y a des possibilités avec les contacts, les Canadiens sur place et puis toutes les autres pays qui seraient peut-être, justement, victimes des projets de cette même entreprise. Et donc, comme Areva, ce dont on parlait, ou Bolloré, avec des actions qui ont été menées, justement, comme Laure nous en parlait. Oui, au niveau transnational, il y a peut-être aussi l'affaire des grands projets inutiles, quoi. Parce que, oui, on a déjà eu l'occasion justement de parler. Est-ce que ça rentrerait, c'est ça, on a parlé ici dans notre programme de ce forum qui avait eu lieu justement l'année dernière à Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Justement, ces grands projets comme un aéroport ou c'est Vinci qui va se remplir les poches. Mais enfin, peut-être que finalement, il n'aura quand même pas lieu cet aéroport. Donc, tant pis pour Vinci, on espère. La lutte continue. Donc, justement. Voilà, vous pouvez les suivre. Je rappelle justement qu'il y a nos copains mexicains qui vont jouer à la vacherie vendredi soir à la ZAD. Donc, s'il y en a qui partent à Notre-Dame, vous nous retrouvez à la vacherie le 28. Je dis les copains mexicains, il y a ceux qui nous suivent régulièrement, auront eu l'occasion de les entendre le mois dernier puisqu'on a fait une émission avec eux. Et donc, il y a justement des projets. L'idée, c'était justement d'avoir exactement une solidarité entre Notre-Dame-des-Landes qui lutte contre un aéroport, mais aussi Notav qui lutte contre un projet de train à grande vitesse en Italie, dans la région de Val de Susa, ou encore le projet d'une gare à Stuttgart. Et donc, il y a plein d'autres projets comme ça. Et donc, dans ce forum, il y a effectivement plein de petits groupes aussi, parce qu'il y a des petits projets comme ça qui sont anodins, ou alors d'autres projets qui sont cachés, comme l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, tout ça, c'est à essayer de passer de l'information et d'utiliser les réseaux qui sont déjà en train de fonctionner pour pouvoir justement partager les informations et du coup mener des actions en commun. Oui, ça m'inspire parce que Laure m'a invité pour parler notamment d'un mouvement de lutte qui a eu lieu en 2009 en Guadeloupe, qui s'appelait justement « Lienage contre profitation », c'est du créole, ça signifie « ensemble contre la profitation ». Il n'y a pas vraiment de traduction, mais c'est les profiteurs, ceux qui profitent, enfin le fait même de profiter. Donc je pense que finalement, ça résume bien tous ces événements dont vous parlez à l'instant. Et c'était assez impressionnant parce que c'était sur cette toute petite île de la Guadeloupe quand même, avec 400 000 habitants. Et ils ont réussi à tenir une grève générale de 44 jours où tout était absolument fermé dans l'île. Les seules choses qui fonctionnaient, c'était les toutes petites boutiques tenues par les Guadeloupéens qui vendaient des produits de première nécessité. Et également les agriculteurs qui avaient organisé un peu partout sur l'île des petits marchés, de telle sorte de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Et ça a été un très grand moment de lutte. Et notamment, je pensais aux médias. Quand vous parliez des médias, c'est vrai que les médias, c'est toujours un problème de savoir dans quel camp ils sont. Et là, il y avait notamment une petite télé locale qui s'appelait Canal 10 qui a filmé pendant 3 jours des débats qui ont eu lieu toute la journée. On a eu 3 jours de débats entiers avec en scène le préfet et ses sbires, les politiques locaux, les patrons et les membres du LKP qui ont débattu sur les 120 de points de revendication qui étaient proposés par le LKP, qui lui-même était une association de 52 organisations, donc des syndicats bien sûr, mais pas seulement, aussi des organisations de protection des consommateurs, des gens qui protégeaient l'environnement, des organisations culturelles pour l'art et la culture locale, etc. Et c'était vraiment un très très grand moment de démocratie, je trouve, ces 3 jours de débat, tant et si bien que ça a fait très peur au gouvernement Sarkozy de l'époque, qui a demandé au préfet d'arrêter très rapidement cette mascarade. Et donc, le préfet a dû, au bout de 3 jours, partir très, très lâchement de ces débats et laisser les Guadeloupéens entre eux. Tout ça a été filmé. Enfin, c'était un très grand moment avec tout le peuple guadeloupéen dehors qui chantait, parce que tout ça a été toujours accompagné de musique et de chants. Il y a eu aussi des grosses manifestations avec 10 000 personnes à chaque fois, ce qui est quand même énorme hein, sur une population de 400 000 habitants. Et malheureusement, ça a mal fini. Enfin, ça a fini. Ça aurait pu bien finir, puisqu'ils ont réussi à obtenir un accord sur les 122 points de revendication qu'ils avaient. Mais dans la réalité, malheureusement, ça n'a pas été vraiment relayé au niveau à un niveau plus micro des entreprises et tout ça. Et surtout, ce qui est désastreux, c'est que l'État a débarqué un jour dans cette petite télé locale. Ils ont pris les bandes et les ont détruites. Et le directeur de cette télé est mort d'une crise cardiaque quelques jours après. Il s'en est jamais remis. Donc pour dire que la place de la télé, c'est vraiment important. Et je ferai vite fait un petit lien avec la lutte des Brésiliens actuellement. Vous savez sans doute qu'il y a des très grands mouvements sociaux au Brésil actuellement, dans toutes les grandes villes du Brésil. Alors c'est parti pour une histoire d'augmentation de transport public, hein, mais bon, aujourd'hui, ils en sont à refuser la Coupe du Monde de football. Imaginez, qui aurait cru que le peuple brésilien se lèverait contre la Coupe du Monde de football, comme quoi, c'est aussi, je voulais dire ça, je trouve quand vous racontiez hein, votre histoire de mine, je trouve qu'il y a toujours, c'est assez, toujours assez mystérieux les raisons pour lesquelles tout d'un coup un peuple se soulève comme ça. Hein. Mais ça c'est reste un peu même... aussi comme la Turquie. Je veux dire, en voilà. Turquie, ils ont commencé même, à se mobiliser par rapport à la destruction d'une douzaine d'arbres. Bon, il se trouve qu'effectivement, ils sont en train d'en détruire au fur et à mesure. Donc finalement, depuis 30 vrai, ans, ils ont déjà détruit beaucoup d'arbres. Bon, là, c'était que 16 arbres qui étaient en question. Mais il se trouve que tout à coup, les gens se mobilisent. Et de là, ça commence à prendre. Ouais. Parce que ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là, c'était trop. Et la machine de guerre qui est lancée contre les gens qui, effectivement, luttent contre... C'est un petit peu, finalement... C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens sont prêts à plus endurer et à se mobiliser de fait. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le positionnement de la télévision, c'est très important. Et au Brésil, il n'y a pas de télé nationale, il n'y a pas de télé publique. Et donc, ils ont des télés très, très, très à droite, très, très du côté du capital et tout ça. Et donc, c'est un gros, gros problème parce qu'actuellement, justement, face à ces mouvements de manifestation... Il y a une réaction très violente de tous les mass médias et tout ça qui vise à tenter d'arrêter le mouvement. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Tout ça pour dire que la place des médias dans tout ça, c'est fondamental. Voilà. Et puis, donc, ouais, c'est ça, des télés comme aussi des radios. On remercie d'ailleurs FPP de nous laisser ces espaces-là. Donc, on rappelle aussi que FPP a besoin de soutien. Hein, donc, n'oubliez pas, si jamais vous avez... des possibilités de soutenir FPP, vous pouvez toujours soutenir financièrement aussi, et puis l'écouter aussi, et vous mobiliser quand il y a moyen. Mais les médias, il y a toujours, en général, les médias, les grands médias, en général, finissent toujours par se ranger du côté de l'argent à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que quand bien même ils suivent les mouvements parce que c'est de l'actualité. En général, ils ne font jamais le travail jusqu'au bout de savoir ce qui est en train de se passer 2 mois après, quand il n'y a peut-être plus forcément l'effervescence ou parce qu'un autre sujet a pris le dessus. Bon, voilà, on connaît bien le système, d'où l'importance justement de pouvoir, ceux qui ont des informations, d'essayer de les diffuser, de les faire tourner. En plus, bon, c'est vrai qu'on a Internet quand même maintenant, qui est un moyen aussi de pouvoir mettre des petites vidéos, des petites choses, de manière à donner de la visibilité aux gens aussi, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est en train de se passer, du fait qu'il y a des gens qui concrètement luttent et qu'il faut être solidaire. Donc je pense que c'est... Oui, c'est ça aussi, c'est de dire que c'est bien, c'est important, je suis d'accord, les mouvements transnationaux sur une même cause et tout, mais je pense aussi que, à l'exemple du LKP, ces 52 organisations là qui n'avaient rien à voir, a priori, qui sont mises ensemble, on a vu la puissance, quoi. Si un jour les syndicats s'associent aux organisations de consommateurs pour l'environnement, même aux universitaires, à la science, l'art et tout ça. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé avec mon ami brésilien, qu'on va peut-être écouter chanter tout à l'heure, là, des concerts scientifiques où la science s'associe à la musique pour réfléchir sur un thème qui s'appelle déterminisme et émancipation. Enfin, je crois que voilà, toutes les associations de tous bords sont les bienvenues si on veut avoir une petite chance de lutter contre ce rouleau compresseur là des multinationales. Et... Ben justement, on n'a qu'à l'écouter. Elle est prête, la petite musique du brésilien là, hein, puisqu'on en parlait. Donc, hommage au Brésilien. Force en lutte. Elio Camale. Elio Camale. Auteur, compositeur, interprète. Da favela, não lhe fizeram samba, portela, nem lustre, uma tela. Enfim, ninguém dera trela. A planta rubra amarela, nem mesmo um acorde no tom, uma valsa, um choro a capela. Girassóis se exibem, roseirais se exalam, vagabundos se exilam com suas amélias. Cantes escapam, soldados escoltam, flagelados nos contam das suas mazelas. E a flor, cada domingo, mamãe, lá na da vila prudente não existe favela. Ao redor do capão redondo não existe favela. No centro de Heliópolis não existe favela. No morro da Rocinha não, é não existe favela. É que a favela sumira, que fim ela levará? A favela sumira, que fim ela levará? Baila, baila, baila, favela. Baila, baila, baila, favela. Baila, baila, baila, favela. Baila, baila, baila, favela. Da fava dita favela, não lhe fizeram um samba, portela, nem o lustre, uma tela. Enfim, ninguém dera trela. Ai, ai, ai. A planta rubra amarela, nem mesmo um acorde no tom, uma valsa, um choro a capela. Girassóis se exibem, roseirais se exalam, vagabundos se exilam com suas amélias. Traficantes escapam, soldados escoltam, flagelados nos contam das suas mazelas. E a flor da vila prudente não existe favela. Ao redor do capão redondo não existe favela. No centro de Heliópolis não existe favela. E no morro da Rocinha não, não, não existe favela. É que a favela sumiu, que fim ela levará? A favela sumira, que fim ela levará? football. FPP 106.3, Fréquence Paris Pluriel, donc la jungle des luttes, notre programme se termine. Donc bah, je vais laisser la parole à nos invités pour qu'elles, bah, voilà, qu'elles nous donnent les dernières petites paroles ou la chose qu'on a oubliée, des fois on ne sait jamais. Donc bah, voilà, si, donc, merci à Nikki, Valérie et Laure de leur présence, de nous avoir partagé toutes leurs informations, leurs réflexions. Et donc vous pouvez toujours réentendre cette émission en vous connectant au site du CSPCL, donc cspcl.ouvaton.org, et on se retrouvera donc évidemment le mois prochain avec d'autres invités, et vous pouvez toujours nous retrouver à 20h30 sur à l'assemblée du CSPCL 33 rue des Vignoles à Paris dans le 20e. Donc ben, merci encore à vous Nikki, si tu avais envie de nous dire dernière petite chose. Oui, je voulais dire qu'à ce moment, quand on parlait de solidarité et lutte en Grèce, et j'espère que, parce qu'à ce moment, il y a pas mal de luttes, il y a la privatisation d'eau qui il essaie à faire. Et les citoyens à Thessalonique et à d'autres régions, ils essaient d'acheter l'entreprise de l'eau et de la rente publique. Et, il y a un mouvement très fort autour de ça. Il y a les mouvements pour la ERT, la télé publique. Il y a à ce moment pas mal de changements que le gouvernement et la Troïka veulent imposer en Grèce, plein de privatisations. Voilà, et je voulais dire, mon point de vue, c'est comment une société se transforme, comment elle commence à se mettre en lutte et devenir solidaire. J'espère que même si on avait un mal magique qui prenait maintenant de la Grèce tous ces problèmes économiques, les entreprises méchantes et tout ça, et bon, je dis méchant, bon, entre guillemets, mais je joue un peu, hein, quand même. j'espère que les gens ne vont pas arrêter à se lutter, à être solidaires avec d'autres luttes et d'autres pays, comme là, en ce moment, en Turquie, au Brésil, et en Afrique. Il y a des luttes dans tout le monde parce qu'il y a une crise dans tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, Nikki. Ah, moi, je dirais qu'il faut être solidaire avec Nikki aussi. Parce que pour finir son documentaire, j'ai cru comprendre, ce n'est pas si facile. Donc, si vous avez des idées, des pistes, pour l'aider, parce que je pense que là, elle a bien avancé, elle a une grande captation, elle a beaucoup de captation, mais avant de pouvoir le monter et de diffuser... je crois que là, il va falloir que tu trouves de l'aide et des soutiens. Ben pour l'instant, je les finance toutes seules. Voilà. Voilà. Donc, sinon, juste moi, pour sur les différentes actions transnationales et tout ça, peut-être donner des rendez-vous. Moi, je vous invite, si vous voulez suivre l'affaire Bolloré, je vous invite d'aller sur le site de la FASPAM. Pour les autres luttes auxquelles je participe, ou pour avoir mon contact aussi, c'est sur le site de Sortir du colonialisme, donc c'est www.anticolonial.net. Et sinon, on sera tous à la fête de l'UMA quand même en septembre aussi, si vous voulez qu'on puisse discuter en face à face, de visu, de tout ça, ce sera très très bien. On peut se retrouver au moins en septembre. À cette manifestation, voilà. Voilà, je crois que le mot à retenir, c'est bien celui de coopération. C'est important parce que le bras armé des dominants, c'est le diviser pour mieux régner. Il faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Je pense que Laure en parlait par rapport à la Grèce. Par exemple, on a voulu nous faire croire qu'il fallait se monter contre la Grèce, qu'elle avait je sais pas quoi, et que les Allemands qui s'insurgent de devoir aider et tout ça. Et nous, il ne faut pas qu'on se laisse faire par ça. font qu'on coopère. Moi, ça me fait penser, j'aurais une petite pensée pour Frantz Fanon, hein, qui était un grand intellectuel qui a beaucoup travaillé pour les indépendances et qui a écrit un livre qui s'appelle Les damnés de la Terre, hein, dans l'idée que si tous les damnés de la Terre s'associaient, eh bien, sans doute qu'on pourrait peut-être changer la face du monde. Ben merci beaucoup. Voilà, vous nous retrouvez. N'oubliez pas d'être solidaire et attentif à toutes ces luttes et à participer, à vous mobiliser. On se retrouve le mois prochain. Merci Greg.